Et pour l'instant, eh bien, c'est l'heure de parler technologie de l'information avec Raymond Poirier, qui est chargé de communication à Litis. Et c'est bien parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Allô, Raymond. Bonjour, Tania. Et là, il a dû se passer plein de choses. Là, quand on parle pas à chaque semaine des technologies, ça va trop vite. Ça va trop vite. Puis en même temps, on est l'été. Alors, j'avais comme envie de plonger dans quelque chose peut-être d'un peu estival, dans l'esprit qu'on a autour des technologies. Et je me suis intéressé à l'agriculture. Parce qu'on sait, on l'imagine bien, en fait, dès qu'on parle du numérique, on l'a vu au fil des chroniques, le numérique vient changer un peu la manière de faire les choses, les cultures entrepreneuriales, les cultures d'entreprise, les cultures dans les métiers. Et évidemment, dans tout ça, l'agriculture ne fait pas exception. Donc, tranquillement, il y a des nouveaux modes, des nouvelles méthodes, des nouveaux modes, des nouvelles approches qui émergent. Il y a de la recherche également qui tente d'en développer des nouveaux. Et je trouve que c'est un bon exemple, justement, pour voir à quel point ça peut faire changer, puis peut-être pour le mieux aussi, certains secteurs, certaines spécialités. Évidemment, quand on parle d'agriculture, les premiers éléments auxquels on va penser, c'est les choses de base. Par exemple, la météo. On n'avait pas ce service-là il y a une cinquantaine d'années. Là, aujourd'hui, on peut avoir la météo quand même assez précise aux 15 minutes. Donc, c'est quand même pas rien. C'est assez pratique. À ça, évidemment, il y a tout aussi la notion de gestion, de prise de mesure, les relevés d'enregistrement et le reste. Donc, possibilité d'avoir des choses qui sont faites peut-être de manière un peu plus automatisée, achats groupés et autres. Donc, ça, c'est des éléments liés à l'administration. Mais si on sort un peu de ces choses-là pour aller scruter des découvertes, des recherches, des perspectives qui sont peut-être un peu plus surprenantes. D'accord. Alors, on se lance par exemple avec l'idée de l'irrigation. Évidemment, c'est pas toujours facile de savoir précisément de combien on doit irriguer. Est-ce que c'est bien irrigué? Comment ça se passe? Alors, est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de faire de l'irrigation assistée par ordinateur, d'évaluer avec ça, donc, les doses d'engrais à mettre et le reste? Et il y a un organisme qui s'appelle The Nature Conservancy aux États-Unis qui teste, elle, depuis 2 ans, des dispositifs innovants avec des cultivateurs d'orge, ça c'est en Géorgie, pour améliorer la production en sauvant les moules d'eau douce de la région. Donc, ils réduisent la consommation en eau avec un système d'irrigation assisté par ordinateur et ensuite ils vont récupérer le surplus d'eau dans les champs pour donc moins en puiser dans les rivières, donc réinvestir plutôt l'eau qui a été lancée dans les champs. Et ils disent qu'en 2 ans, avec les partenaires qu'ils ont là-bas, ils ont sauvé à peu près 1 milliard de litres d'eau, donc ce qui est quand même pas rien non plus. Mais oui, et c'est écologique en plus, donc ça, hein, on aime ça. Et évidemment, avec tout ça aussi, l'irrigation à taux variable substitue à l'intuition des agriculteurs des données scientifiques qui sont adaptées aux différents plans, aux différentes conditions, aux différentes cultures. Donc, c'est aussi lié, évidemment, avec le savoir qui est déjà présent. Donc, l'idée, c'est simplement de plus seulement à amener l'agriculteur à agir par instinct, mais lui donner des outils pour l'appuyer dans l'utilisation de ce savoir-là et intégrer le savoir qui existe déjà dans des outils électroniques, des outils numériques. Et à ça, on ajoute aussi d'autres modèles pour l'épanchage, pour l'irrigation, bon, que ce soit des drones, par exemple, qui vont effectuer des prélèvements pour s'assurer que les cultures évoluent bien, plutôt que d'avoir à le faire manuellement, d'aller scruter, d'aller chercher des exemplaires si on en a besoin, ça se fait de manière automatique, les éléments se mettent à jour en temps réel. À ça, on se pose des questions aussi sur des approches qu'on pourrait mettre de l'avant en récupérant des technologies. Il y a l'espionnage, par exemple. Donc, ça peut aller assez loin. C'est bon, ça. Et là, j'ai l'impression qu'on tombe un peu dans la science-fiction avec cet exemple-là, mais je le trouvais très drôle. C'est un robot qui s'appelle Robot Bee, donc une abeille robotisée qui, dans certains milieux, on en parle de temps à autre, des fois il y a un peu moins d'abeilles, ça marche moins bien, évidemment, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation non plus, donc ça devient un grave problème. Mais elles disparaissent d'ailleurs, ça fait peur à bien des gens. Exact, avec raison, raison. Puis dans le fond, eux essaient de créer des robots abeilles qui feraient la pollinisation à la place des abeilles ou en appui aux abeilles. Ouais, ça fait assez science-fiction, mais c'est un peu d'espoir au bout du tunnel, finalement, parce que, la disparition des abeilles fait peur à beaucoup de gens, parce que, ça peut mettre en péril plusieurs espèces et la nourriture au grand complet, finalement, pour l'être humain. Mais si on a des abeilles robots... Peut-être que ça pourra donner un petit coup de pouce sans qu'on se retrouve dans la matrice. Ben oui, c'est un peu absurde, mais ça fait une solution, tu sais, de rechange. C'est pas l'idéal, on s'entend, mais il y a une solution de rechange. Et même en poussant avec ça dans les exemples humoristiques, il y a un autre élément sur lequel je suis tombé, c'est des robots pour faire du désherbage avec du laser. Donc, essayer de trouver une manière là, pour utiliser la robotique et le laser pour aller cibler, donc scruter les champs, cibler les mauvaises herbes et les brûler à la source, à la racine. Et ça se travaille en fait à l'Université Leibniz à Hanovre, en fait. Donc, ce qu'on dit, c'est évidemment qu'il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles au niveau de la dose, au niveau de l'identification des plantes par le robot, mais il pourrait donc un jour peut-être y avoir des robots tueurs de mauvaises herbes. Mais là, chacun se fait son image, ouais. C'est sûr. Hein? Moi, je le vois, en tout cas, avec des lasers. En tout cas, c'est une autre affaire. Mais il y a l'infrarouge aussi qui est bien pratique, entre autres, dans l'agriculture. Et là, on sort un peu de la science-fiction pour revenir à des choses qui sont peut-être un peu plus palpables, parce qu'aussi, il faut dire que ça se fait déjà présentement. Donc, au niveau de l'infrarouge, bon, ce qu'il faut dire, c'est que les plantes, ils font quelque chose qui s'appelle la photosynthèse. Donc, ils captent l'énergie solaire, la transforment en sucre et se nourrissent avec ça. Et on peut voir à travers justement l'infrarouge ce processus-là, parce que ça va aller capter différents types de lumière du soleil, mais justement pas les lumières liées à l'infrarouge. Donc, on prend des photos, des images, des films de ces plantes-là, et on est en mesure de voir avec les textures, les couleurs, les éléments, mais les zones peut-être qui sont moins nourries, les problèmes qu'il pourrait y avoir au niveau de la plante, et aussi s'assurer que la culture se fait très, très bien. C'est déjà un processus qui est utilisé à large échelle. On pense par exemple à la catastrophe pétrolière qu'il y avait eu dans le golfe du Mexique avec BP. Eh bien, ce qui se passe de ce côté-là, c'est qu'on va prendre des photos justement des zones qui sont en reconstruction au niveau naturel pour voir si tout se passe bien, si la photosynthèse se fait bien. Donc, pour aller, si on peut dire, entre guillemets, parler donc aux plantes, aller chercher de l'information auprès d'eux, qu'on serait pas nécessairement non plus en mesure de bien voir à l'œil nu. On peut s'imaginer qu'une plante va bien, mais peut-être que d'ores et déjà, à l'infrarouge, elle montre des signes de malnutrition. Évidemment, ça peut donner aussi des coups de pouce au niveau de l'entretien des plantes pour savoir aussi quelles zones couper, les zones qui sont problématiques pour donner un coup de pouce aux autres zones et donner un second souffle à la plante, etc., etc. Donc, ça existe présentement, ces processus-là, à l'échelle industrielle, à l'échelle très large. Par contre, il y a aussi des équivalents qui pourraient se développer et être accessibles pour le commun des mortels à bas prix. En fait, il y a un organisme citoyen qui s'appelle Public Lab, qui eux essaient justement de développer une caméra qui s'appelle Infragram via Kickstarter, donc justement pour créer un appareil portatif de ce type-là pour pouvoir permettre aux gens de scruter donc la croissance de leurs plantes d'intérieur, jardin et autres. Et encore là, imaginons l'impact positif que ça peut avoir. On peut voir et diagnostiquer rapidement, efficacement, puis avec quand même une certaine justesse, l'état de la croissance des plantes. Donc, on peut se servir de cette manière de l'infrarouge. Tu nous as parlé à plusieurs reprises de jeux sérieux. Dans l'agriculture, il y a aussi moyen de faire quelques jeux qui peuvent nous apprendre des choses, finalement. Exactement, parce qu'il faut dire, en fait, être fermier, de manière générale, c'est un métier. Et c'est un métier qui demande quand même des bonnes connaissances, des bonnes bases. On parle quand même d'un savoir qui se transmet depuis des années. On parle de beaucoup de recherches aussi qui ont été scrutées, tout ça. Et évidemment, dans l'apprentissage de la gestion d'une ferme et de la gestion de culture, eh ben, les simulations deviennent un outil quand même assez appréciable. Alors, on est très loin de Farmville sur Facebook avec tout ça, mais oui. Par contre, le concept, c'est essentiellement le même, c'est juste qu'on a créé donc un Farmville qui est hyper réaliste, un jeu qui s'appelle Defender, en fait. Et donc, l'idée, c'est qu'on va former les consultants que le gouvernement américain met à disposition des agriculteurs en Afrique. En fait, donc, c'est vraiment utilisé au niveau étatique pour l'instant. C'est adapté aux terres africaines, mais les constats face à ce jeu-là disent, regardez, on a simplement changé les paramètres et on peut facilement l'adapter à différentes autres régions. Donc, Farm Defenders couvre des centaines d'aspects de la gestion d'une ferme de la manière extrêmement réaliste. On parle de la nature du sol de chaque village, des conditions météorologiques en temps réel, mise à jour aux 15 minutes. On peut simuler la vente des denrées également, mettre en place des coopératives, vendre directement aux consommateurs. On stocke la nourriture, on doit gérer le stockage, gérer la température du stockage. Donc, c'est extrêmement détaillé. Ce qu'une bonne simulation doit être, évidemment, pour pouvoir permettre aux gens qui expérimentent avec, justement, cet outil-là, de pouvoir aller jusqu'au bout de cette expérience-là. Alors, c'est intéressant. Évidemment, on parle quand même de graphismes qui sont pas pas ceux de la PlayStation 3 et d'autres systèmes très récents, mais quand même, pour avoir vu quelques images, c'est pas non plus déplaisant à voir. En fait, c'est pas parce que c'est un jeu sérieux que c'est obligé d'être laid et plate. Donc ça couvre beaucoup d'aspects. On démarre avec un petit budget et on doit bâtir la ferme, on doit investir, on doit s'assurer que l'activité est profitable, et évidemment ça permet aussi de comprendre, d'analyser, discuter des impacts dans un contexte de cursus de formation. Et bien évidemment, après des parties comme ça, on imagine qu'il y a des séances de discussion qui suivent. Ben voici les erreurs peut-être, les choses à améliorer, mais au bout du compte, c'est le genre de jeu où les règles sont essentiellement les règles du monde réel. Et il y a un certain retour à la terre. Si on n'a pas été élevé sur une ferme ou fils de fermier, peut-être qu'on a envie aussi de le faire, mais on se dit par où commencer. Ça peut être une belle expérience, à savoir au moins si on aime ça ou non, et de pouvoir confronter la réalité sans être obligé de s'acheter des hectares et des hectares de terre. Exactement. Et pour les écoles de formation en agriculture, que ce soit au niveau technique, que ce soit même au niveau universitaire, il y a quand même beaucoup de réflexions qui sont faites. Bon, évidemment, on parle plus de profession dans ces cas-ci, mais c'est aussi des outils qui peuvent être intégrés dans la formation en fin de parcours, pour voir justement si les éléments ont été bien intégrés. Et ça permet de faire des erreurs, hein, parce que ces erreurs-là n'ont pas de conséquences. Au bout du compte, on perd la partie, mais bon, faire une erreur en jeu, on perd pas la récolte, on perd pas notre argent. Donc, c'est l'endroit pour faire les gaffes. Et pour éviter de perdre les récoltes, eh bien, il faut peut-être discuter avec des gens. L'informatique, encore une fois, aide le partage d'informations, ce qui, auparavant, au moins de marcher des kilomètres à pied, était plus difficile d'aller voir son voisin pour dire, puis comment ça va avec tes tournesols? Exactement, et on le voit de plus en plus, d'ailleurs, en fait, je pense, avec les technologies, l'idée du partage de données. Donc, on partage des données, on partage des informations, on partage des techniques. Il y a déjà des réseaux sociaux, des groupes d'échange dans à peu près toutes les spécialités qu'on peut imaginer, que ce soit à l'échelle de ville, d'État, d'individus, de profession, de malades et autres. Et donc, il y a un peu la même chose aussi au niveau de l'agriculture. Donc, l'idée, c'est qu'il y a différentes ONG qui sont regroupées pour faire un projet qui s'appelle Smart Agro, qui remonte à 2012-2011 à peu près. Et donc, l'idée, c'est d'amener justement l'infrastructure logicielle pour permettre aux agriculteurs d'être liés entre eux, de pouvoir échanger. Il y a d'autres initiatives aussi du même type, comme Community Knowledge Worker, qui, ça c'est en Ouganda, permet d'accéder via leur téléphone mobile à des informations sur la météo, des manières d'améliorer le rendement des cultures, les soins apportés aux animaux, donc plus une espèce de guide, de how-to, si on me permet l'anglicisme, donc de comment faire face à tout ça. Évidemment, si on élargit encore plus, eh ben on peut parler donc de possibilités aussi d'aller partager des données dans une même région, de dire, ben voici l'état de mes récoltes. Et ces données-là se retrouvent déjà dans des systèmes informatiques globaux, donc on peut voir des tendances, on peut voir des réalités, on peut voir s'il y a des problématiques qui sont reliées aussi aux régions presque en temps réel aussi à travers tout ça. Un dispositif de coopération qui est associé donc pour le prêt de données, pour l'échange de données, mais aussi pour le prêt d'équipements, d'outils, conseils. Alors, nécessairement, en fait, on essaie justement de renforcer peut-être des communautés qui sont déjà existantes et d'élargir aussi peut-être la notion de voisinage. Comme tu disais, on a les voisins d'à côté qui servent d'emblée peut-être de référent à certaines échelles. Bon, au niveau agricole, n'étant pas dans le milieu, je ne sais pas jusqu'où on va s'étendre. Ouais. Mais ça voudrait dire, par exemple, qu'au Québec, bon, on pourrait déjà être en communauté avec l'ensemble des agriculteurs de la province, mais également des provinces environnantes. Et ensuite, ben, ça veut dire aussi qu'on pourrait éventuellement partager des conseils, des trucs, des tendances, des perceptions ou des analyses d'informations et des analyses de résultats par rapport à des nouveaux produits et le reste. Mais avec l'ensemble des agriculteurs de la planète, si on pousse un peu plus loin là. Alors, vraiment, en fait, on peut s'imaginer que l'agriculture, de manière générale, est en cours de transformation à travers le numérique et qu'elle le sera aussi de plus en plus, comme la plupart des professions, au fil des prochaines années, avec que ce soit des projets qui sonnent un peu plus science-fiction, des projets plus de collaboration, des projets qui sont déjà en place et qui déjà commencent à faire leurs preuves. J'ai déjà entendu parler d'un tracteur, d'une moissonneuse-batteuse, quelque chose qui était guidé à l'aide d'un GPS, donc connaissait son chemin et finalement rentrait toute seule à la maison, tout se faisait. Bon, je l'ai pas vu de mes yeux vus, mais on me l'a raconté, donc on se rend compte que encore une fois, la technologie est partout et Raymond Poirier était là chaque semaine pour nous en parler. D'ailleurs, on peut réentendre les chroniques que tu nous as offertes dans les semaines passées. Exactement, sur itis.ulaval.ca, à la page d'accueil, cherchez l'onglet « La petite image chronique radio ». Raymond Poirier, merci beaucoup. On se retrouve sous peu pour parler TI.